Bonjour, voici une émission intitulée Erasme l'Européen avec Marie Barral-Baron, une émission qui avait été diffusée le 17 novembre 2018. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Un bon prince n'accepte jamais aucune guerre, excepté quand, après avoir tout tenté, il ne peut l'éviter par aucun moyen. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. J'ai rencontré l'autre jour deux étudiants qui se montraient fort heureux de tirer avantage d'Erasmus, ce précieux programme d'échange universitaire d'un pays à l'autre en Europe. Ils étaient persuadés que ce nom correspondait à l'un de ces nombreux acronymes que les administrations excellent à inventer et qu'ils s'avouèrent d'ailleurs incapables de décrypter eux-mêmes. Cela m'a été un signal d'alerte sur une nécessité intellectuelle et civique, la nécessité de restituer à Erasme, dans cette émission et en perspective des prochaines élections au Parlement de Strasbourg, sa haute figure d'humaniste européen. Celle de rechercher ce que cet homme, très illustre en son temps, à la rencontre des 15e et 16e siècles, peut encore avoir à nous dire, au fil de son destin spécifique, au fil d'une œuvre puissante et de vaste dimension, qu'enrichissent tous les procédés de l'érudition, de la conviction, de la chaleur et de l'ironie. Ce qu'il peut nous dire quant à la circulation sur notre continent des idées et des écrits, des espérances et des angoisses, des générosités et des haines. Il porta une foi religieuse qui était ardente à préserver contre toutes les formes du cléricalisme les exigences d'une pensée libre. Il marqua le souci d'une pédagogie qui se dégagea des vieux oripeaux d'un conformisme répétitif. Il incarna la conviction que seule une culture de longue main, s'abreuvant aux sources magnifiques de l'Antiquité, pouvait porter l'Europe à son meilleur. Il développa, par-dessus tout, une réflexion durable sur les horreurs de la guerre et sur les moyens de préserver la paix, cette paix toujours menacée en son temps comme au nôtre, et qui semblait à Erasme le plus précieux des biens pour l'humanité. Afin d'évoquer tout cela, j'ai invité Marie Barral-Baron, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Franche-Comté à Besançon, où elle est rattachée au centre Lucien Febvre, un grand byzantin, un grand franc-comtois. Elle a consacré récemment un ouvrage reconnu à notre personnage. Il s'agit de L'Enfer d'Erasme, l'humaniste chrétien face à l'histoire, un titre qui paraît bien destiné d'entrée de jeu à stimuler notre curiosité. Qu'avez-vous de commun avec la guerre, vous, plus poltron qu'un daim? Ah, l'espoir du butin m'avait rendu courageux. En sorte que vous voilà chargé de dépouilles ennemies. Au contraire, ma ceinture est vide. Votre fardeau sera d'autant plus léger. Mais je retourne chargé de crimes. Fait bien lourd, en vérité, si le prophète a raison de comparer le péché à du plomb. J'ai vu, et commis là-bas, plus de scélératesse que dans toutes mes années antérieures. Qu'offre donc de si plaisant la vie militaire? Il n'est rien de plus criminel, ni de plus désastreux. À quoi pensent alors ceux-là qui, enrôlés pour quelques sous, et certains même pour rien, se ruent à la guerre comme à un banquet? Eh bien, mon unique hypothèse est que, persécuté par les méchantes furies, voués corps et âme à un diable pernicieux et à la misère, ils aspirent par ce seul moyen à hâter leur mort. Voilà. C'est aussi mon avis. J'aime à croire que vous vous êtes abstenu de sacrilège. Allons donc. Il n'y avait là-bas rien de sacré. Et tout y passait, le profane comme le divin. Comment ferez-vous pour réparer ? Certains nient que des réparations soient dues pour des dommages commis à la guerre. Tout ce qui s'y fait est en fondé en droit. Ah, le droit de la guerre, sans doute. Vous y êtes. Mais ce droit est la pire des iniquités. Ce n'est point l'amour de la patrie, mais la soif du butin qui vous a entraîné à la guerre. Je le confesse. Ah. Et j'estime que bien peu y court pour une plus noble cause. Consolation, certes, que d'être fou comme un tant d'autres. Le prédicateur a proclamé en chair que la guerre était juste. Cette chair n'a pas coutume de mentir. Mais que la guerre soit juste pour le prince, il ne s'ensuit pas qu'elle le soit pour vous. Et je me suis laissé dire par des rabbins que chacun est libre de vivre de son métier. Beau métier, en effet, que d'incendier des maisons, de piller des églises, de violer des nonnes, de spolier des pauvres, de trucider des innocents. Mais les bouchers sont payés pour égorger des bœufs. Pourquoi critiquer notre métier? Parce que nous sommes enrôlés pour massacrer des hommes, hein? N'étiez-vous point inquiet du chemin que votre âme aurait pris s'il vous était advenu de périr à la guerre? Pas du tout. Marie Barral, baron, bonjour. Bonjour. Je vous ai proposé un extrait du texte de 1522, colloque d'Erasme, donc Le soldat et le chartreux, lu ici par Bernard Noël et Henri Virlegeux dans l'émission Dialogue de Madeleine Ricot sur France Culture, le 21 décembre 1967. Je l'ai choisi parce qu'il me semble que la vivacité du ton, la liberté de l'imagination et la profondeur sous l'apparence d'une légèreté n'étaient pas une mauvaise introduction pour notre conversation. Oui, exactement. On est vraiment au cœur là de la pensée érasmienne, d'un Erasme qui défend toujours une pensée extrêmement profonde, mais en se cachant derrière des masques, en ne s'exposant pas directement. Là, il prend la figure soit du soldat, soit du chartreux, pour attaquer des sujets qui lui tiennent à cœur, à savoir dénoncer la violence, dénoncer l'hypocrisie des hommes, et surtout montrer à quel point la guerre est une abomination terrible de son époque. Et c'est un fondement de sa pensée sur l'Europe qui va nous occuper ce matin. Exactement, parce qu'effectivement, Erasme est un véritable Européen qui veut construire déjà une Europe sans frontières, ce qu'il appelle lui une république des lettres, une respublica literaria, qui est en fait en même temps une respublica christiana, qui est sans frontières, sans patrie, sans nation et surtout sans guerre. On a pu dire de lui, je pense que c'est son biographe Alquin, que c'était un Hollandais formé à Venise qui a pour modèle un chancelier anglais qui devient le légat de l'empereur espagnol et décide de mourir à Bâle. Voilà un Européen. Oui, je trouve que c'est une très belle formule. Effectivement, Erasme a passé toute sa vie à voyager, mais ce n'est pas une errance. Hein. C'est vraiment des choix qu'il pose. Il va à Bâle, à Venise, à Bologne, à Turin, à Paris. Il ne cesse de se déplacer pour découvrir ses contemporains et pour défendre toujours cette idée d'universalité, que par la culture, les hommes sont frères et sont frères aussi dans le Christ. On comprend que les partisans de la construction européenne au XXe siècle, en particulier dans les années 20, aient eu le goût de le prendre comme personnalité emblématique en quelque sorte. Mais nous y reviendrons. Commençons par la jeunesse du personnage, comprendre de quel milieu il est sorti, peut-être de quel milieu il s'est échappé, c'était un enfant bâtard. Oui, Erasme n'est pas né dans un milieu privilégié comme son ami Thomas More. Il vient vraiment d'un milieu extrêmement, je dirais, défavorisé. Il naît dans des conditions obscures, voire infamantes, en Hollande, plus précisément à Rotterdam. Et il est tout de suite marqué, je dirais, par deux tâches qui vont l'accompagner toute sa vie. D'une part, à sa naissance, son père est prêtre. Et d'autre part, bien entendu, du fait de cette situation, eh bien, ses parents ne sont pas mariés. Donc c'est une naissance illégitime. Pire qu'une bâtardise ordinaire, si je puis dire. C'est ça, c'est pire qu'une bâtardise ordinaire. D'ailleurs, il est ce qu'on appelle à l'époque une semence maudite. Semence maudite. Oui, comme le définissent les conciles du temps. Et Erasme va vraiment porter avec lui cette souffrance tout au long de sa vie, parce que cette bâtardise l'empêche, par exemple, d'obtenir des bénéfices ecclésiastiques, l'empêche de mener sa vie comme il le souhaite. Donc toute sa vie, il va masquer les conditions de sa naissance. Il est toujours terrorisé que Luther, notamment, découvre ses origines infamantes. Et il va même écrire un abrégé de sa vie dans lequel il s'invente une histoire, comme quoi son père serait devenu prêtre plus tard, après sa naissance, pour racheter sa faute. Il y a vraiment André Godin l'avait bien montré, il y a une très grande angoisse et une honte qu'il va porter jusqu'à sa mort de ses origines. Cette contrainte a été néfaste ou féconde pour lui ? Je pense qu'elle a été féconde parce que, notamment, on en reparlera sans doute, mais dans le domaine de la pédagogie, il va avoir une sensibilité extrêmement profonde à l'endroit de la diversité des élèves. Il est très sensible au fait que chaque enfant peut avoir des origines fort différentes et qu'il faut faire attention à l'enfant qui naît dans un milieu privilégié et au contraire celui qui a plus de mal et qu'il faut accompagner. Donc je pense que cette souffrance de sa naissance va faire de lui ce grand précepteur de l'Europe. Souffrance féconde. Souffrance féconde, oui, exactement. Soit. Mais comment s'en sort-il alors ? Alors, en plus, les malheurs ne sont pas terminés puisqu'il va perdre à l'âge de 13 ans, hein, 13-16 ans, il va perdre, parce qu'on a toujours un doute sur la date de naissance d'Erasme, hein, parce qu'il l'a caché. Donc on hésite entre 1467-1469, même si actuellement on pense que c'est plus 1467. Bon, nous y ferons. Voilà. Et en fait, il va perdre donc ses parents à l'âge de 13 ou 14 ans, de la peste. Donc sa mère d'abord, qui était très proche de lui, puis son père. Et il va être confié à des tuteurs avec son grand frère, qui vont le dépouiller de tous ses biens et l'obliger à rentrer au couvent. Décidément, ça commençait mal. Ça commençait très très mal pour Erasme. Mais cette expérience du couvent va, je dirais, à la fois, c'est une expérience très douloureuse parce qu'il y est malheureux. Il n'aime pas ce rythme de vie, mais paradoxalement, comme il l'explique très bien, cette expérience va lui faire comprendre que finalement, le monachisme n'est pas une certitude de la perfection. C'est-à-dire que, en fait, on peut sans doute être beaucoup plus pieux à l'extérieur du monastère qu'à l'intérieur. Donc c'est une expérience en fait fondatrice. Effectivement, il en sort et c'est là qu'il commence à trouver le bonheur de ses errances, puisqu'en particulier, il y a la grande aventure anglaise et le début des amitiés. Voilà. Il va réussir en effet à s'échapper en 1493 de son couvent. Il saisit l'occasion. L'évêque de Cambrai cherchait un secrétaire. Donc il se présente comme candidat et il promet de revenir. Bien sûr, il ne reviendra pas. Il s'échappe à cette occasion et c'est le début des voyages. Donc il part d'abord dans le Brabant et puis ensuite en Angleterre. Où là, c'est une véritable révélation. Il va rencontrer Thomas More, qui est vraiment l'ami de toute son existence. Et puis également John Colley. Et ces deux rencontres vont le fortifier dans la conviction qu'il est fait pour travailler sur les textes des anciens et les textes bibliques. C'est une rencontre très importante. Je voudrais, Marie Barral-Baron, que nous nous attardions un instant précisément sur ces rencontres et sur son idée de l'amitié. L'amitié devient une sorte de métaphore de la relation entre les différentes parties de l'Europe et par là même nous intéresse très directement. Je vais vous proposer deux lettres, l'une d'Erasme à Thomas More, 1499, puis de Thomas More à Erasme, c'est sur France Culture le 7 octobre 1965. Mais auparavant, rappelez-nous qui était Thomas More. Alors Thomas More, c'est un homme qui est né vers 1478 à Londres, dans une famille extrêmement privilégiée, hein, dans l'élite marchande londonienne. Violent contraste avec Erasme. Très grand contraste, ils ne viennent pas du tout du même milieu, mais il va vivre, je dirais, une expérience similaire à celle d'Erasme, c'est-à-dire qu'il va faire des études brillantes, hein, où il va découvrir l'humanisme et découvrir les textes des anciens. Et il a en commun avec Erasme cette conviction que le véritable humanisme est un humaniste chrétien. Avec cette formidable rencontre, formidable au sens propre, entre les richesses de l'Antiquité et la culture chrétienne. On peut d'ores et déjà dire que la fin de Thomas More sera tragique et que Erasme aura de peu l'occasion, à 2 ans près, de la connaître, puisqu'après avoir été un brillant chancelier d'Angleterre, il subit les foudres de Henri VIII. Exactement, oui. Alors la grande différence entre More et Erasme, c'est que Erasme est un spectateur engagé de son temps, alors que More est véritablement un homme politique. Il devient chancelier en 1529 d'Henri VIII, mais comme il refuse de reconnaître le divorce d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon, eh bien il préfère démissionner en 1532 et il sera ensuite jugé en 1533 et exécuté en 1535. Donc Erasme a l'immense douleur d'apprendre la mort de Thomas More, qui est exécuté quand même, il faut le souligner, par Henri VIII, qui avait été choisi par Erasme et par More comme le roi de l'humanisme. Sans trop de gaminerie, on pourrait dire que Thomas More n'aurait probablement pas été favorable au Brexit. Non, sans doute, effectivement. Effectivement, non, il était pleinement participant de la République des Lettres et donc de cette Europe unie entre l'Angleterre, la France, le Saint-Empire. Il est mort de cela puisqu'il s'est opposé à Henri VIII qui voulait précisément, en termes religieux, organisé cette coupure. Eh bien, écoutons-les. Écoutons Erasme écrivant à Thomas More et Thomas More écrivant à Erasme. On est à l'extrême fin du XVe siècle, 1499. Oxford, 28 octobre 1499. Erasme à son cher More, salut. J'aurais peine à dire dans aucune lettre à quelle furie je voue la tête de ce messager dont la négligence ou la perfidie m'ont frustré, je crois, de la lettre si vivement attendue de mon cher More. Car que tu aies manqué à ta promesse, je ne puis le supposer et je n'ai pas envie de le faire. Encore que dans ma lettre précédente, je t'ai sollicité un peu trop impétueusement. Je te demande, sans plaisanterie, mon très doux Thomas, de réparer, et avec quelque usure, la peine que j'ai ressentie à attendre trop longtemps, et toi-même et tes écrits. J'attends donc non une lettre, mais un énorme paquet de lettres, à écraser sous la charge un portefeuille d'Égypte. S'il y a du côté de chez toi des fervents des bonnes lettres, ton devoir sera de les exciter à m'écrire, afin que je puisse de la sorte achever à la perfection le cercle de mes amis. Je n'oserais pas prendre l'initiative de les solliciter, car je pense que tu es indifférent à la manière dont j'écris à un homme des plus accommodants, et au surplus, je veux le croire, plein d'une grande amitié. Adieu, très aimable More. Oxford, 1499, fête de Simon et Jude. Et maintenant, Thomas More à Erasme. À mon affection pour toi, mon Erasme, mon très aimé, je croyais que rien ne pouvait s'ajouter. Et voici que le souci que tu as pris de me lier plus étroitement encore avec toi vient l'accroître indiciblement. Je ne peux pas davantage te dire à quel point je suis fier de penser que, par une preuve insigne, tu déclares ainsi qu'il n'y a personne par qui tu souhaites être aimé plus que par moi. Car j'interprète de la sorte, peut-être avec trop de présomption, l'envoi de ce portrait, grâce auquel ton souvenir dans mon cœur se renouvelle chaque jour, chaque heure de chaque jour. Tu me connais, je n'ai pas à te démontrer que, tout empêtré que je suis dans des affaires ineptes, mon esprit est assez dégagé des vaines vantardises. Cependant, il y a un sentiment d'orgueil que je n'arrive pas à secouer de moi et qui me remue d'une grande douceur. C'est la conscience qu'aux yeux de la lointaine postérité, j'apparaîtrai recommandé par l'amitié d'Erasme, amitié prouvée par des lettres, des livres, des tableaux. Puis-je donner une preuve insigne que je ne suis pas indigne de l'affection d'un si grand homme qui dépasse sa génération et dépassera les suivantes? Cette preuve, je sais qu'il est au-dessus de mes forces de la présenter au jugement du monde, mais je voudrais du moins que dans ton cœur, tu ne me juges pas ingrat. C'est une affection qui évoque un peu la Boétie et Montaigne, n'est-ce pas? Et sur laquelle nous avons beaucoup d'informations. Je vois cet éloge enthousiaste que d'autre part Erasme fait à un autre de leurs amis, Robert Fischer, qui est un de ses anciens élèves. Tu me demanderas, mais quel plaisir trouves-tu en Angleterre? Je désire que tu me croies quand je te dis que jamais rien, jusqu'à présent, ne m'a autant plu. J'ai trouvé ici le climat le plus agréable et le plus salubre, une telle humanité, une telle érudition, non point banale et commune, mais distinguée, précise, antique, latine et grecque, à tel point que sans mon envie de voir l'Italie, je n'aurais pas grand-chose à regretter. Lorsque j'écoute mon cher Collet, vous avez évoqué Collet, il me semble entendre Platon lui-même. La nature a-t-elle jamais rien produit de plus souple, de plus doux, de plus heureux que le génie de Thomas More? Alors voilà de l'amitié où je ne m'y connais guère. Oui, c'est vraiment une amitié extrêmement profonde. Comme dit d'ailleurs Erasme aussi au sujet de More, hein, il est la moitié de mon âme. Donc vraiment une affection extrêmement forte qui lie ces deux hommes et qui explique d'ailleurs le sens de ces lettres où Erasme lui réclame des lettres, il veut lire More et où More réclame des portraits d'Erasme pour le voir changer, pour le voir évoluer. Parce que Thomas More et Erasme vont beaucoup se fréquenter à peu près de 1499 à 1521. Et puis en 1521, lorsqu'Erasme s'installe à Bâle, ils ne se verront plus en fait jusqu'à la mort de More. Et à ce moment-là, ils s'échangent beaucoup de tableaux pour se voir, changer, pour regarder leurs traits évoluer. Comme à d'autres époques, on s'est envoyé des photographies. C'est Je vois que les grands tableaux d'Erasme sont le portrait de Dürer en 1520 et le portrait de Holbein en 1523. Voilà, exactement. De très beaux portraits où il est représenté en grand savant du XVIe, en noir, hein, qui est la couleur des intellectuels, les mains posées sur des ouvrages pour montrer montrer hein, les travaux d'Hercule qu'il est en train de composer. Et il les envoie à Thomas More aussi pour avoir son avis sur la qualité de la peinture. Hein, est-ce qu'il pense qu'elle est bien à son image? Donc c'est une affection très sincère et profonde. Alors, il évoque l'Italie dans le texte que je viens de citer. Angleterre, Italie. Je pense que si Erasme avait dû choisir une nationalité, il aurait choisi la nationalité anglaise. Tellement il aime ce pays, ce peuple, et également son roi, hein, puisqu'il pense que ce sera le roi de l'humanisme. Mais effectivement, il a le souhait, depuis le couvent, de découvrir l'Italie. L'Italie de Cicéron, l'Italie de Pétrarque, de Pic de la Mirandole, vraiment du premier humanisme italien. Et il va réaliser ce souhait en 1506, lorsqu'il va pouvoir circuler de Turin à Bologne, à Venise et à Rome. Alors, on a peu d'informations sur cette époque, parce que beaucoup d'archives ont été perdues. On a peu de lettres d'Erasme de son voyage en Italie. Mais on sait qu'il a été absolument émerveillé, notamment par l'imprimeur Aldemanus Che à Venise, qui, je vous le rappelle, invente quand même l'italique et également le livre de poche. Salut. Erasme est émerveillé par ces imprimeurs humanistes. Il n'y aurait pas eu vraiment d'Erasme, en tout cas, il n'aurait pas eu ce rayonnement sans l'invention de l'imprimerie. Et il comprend très bien. Et ça montre qu'Erasme était vraiment un homme de son époque. Erasme, il a un côté typographe. Il comprend que c'est grâce à l'imprimerie qu'on parlera de lui encore dans 5 siècles. Et donc, il a un intérêt très, très fort pour les imprimeurs. Et c'est pas par hasard qu'en 1521, il s'installe carrément chez son imprimeur Froben. Hein. Il s'installe à l'étage. Il va vivre au-dessus des presses de typographie pour surveiller l'impression de ses livres, qui sont pour lui, il le dit, hein, comme ses enfants. Et comme il ne veut pas qu'il y ait de scories, d'erreurs dans ses textes, eh bien, il vit chez l'imprimeur pour surveiller. Et il corrige et il relit jour et nuit ses ouvrages. Ses enfants, parce que c'est un intellectuel qui donne l'impression, avec le recul, qu'il s'est entièrement consacré à son œuvre. Il n'a pas d'enfants, précisément, au sens propre. Et sa famille, son entourage affectif reste un peu mystérieux. Oui, son entourage affectif, ce sont ses grandes amitiés humanistes, hein, dont on vient de parler, bien sûr, de Thomas More, mais il y a aussi John Collet. On peut parler également de Jean Vitrier, directeur du couvent franciscain de Saint-Omer, qui va lui faire découvrir Saint-Paul, qui va lui ouvrir aussi vraiment l'esprit à Origène. Donc, c'est des très, très grandes amitiés humanistes. Il a aussi beaucoup d'affection pour son imprimeur. Mais effectivement, à côté de cela, il n'a pas une vie affective comme Thomas More, qui va se marier à 2 reprises et qui aura 4 enfants. C'est absolument pas la même chose. Alors, les premiers écrits d'Erasme, les adages, les anti-barbares, le manuel du soldat chrétien, avant l'œuvre majeure qui va être l'éloge de la folie. Dites-nous en un mot, s'il vous plaît, Marie Barral-Baron. Alors, toutes ces œuvres ont une grande cohérence, hein, quand on connaît bien Erasme. C'est-à-dire que les adages, ce sont simplement des proverbes que Erasme va chercher à accumuler, hein, donc les proverbes de l'Antiquité. Alors, il trouve des proverbes, par exemple, Festina lente, hein, hâte-toi lentement, Herculei labores, hein, les travaux d'Hercule, Dulce bellum in expertis, la guerre est douce pour ceux qui ne l'ont pas faite. Oui, il y en a d'autres qui sont tout à fait contemporains, enfin, que nous ne savons pas être originaire de l'œuvre d'Erasme, parler comme un charretier, être entre le marteau et l'enclume, le malheur des uns fait le bonheur des autres, tomber dans le panneau, souffler le chaud et le froid, jeter de l'huile sur le feu, enfin c'est extraordinaire, on comprend. Oui, il y a une richesse, tondre un chaud, enfin, il y a énormément d'adages qui ont une actualité extraordinaire chez Erasme. Combien y en a-t-il? Alors, plus de 4000, il faut bien comprendre que Erasme a passé toute son existence à récolter ces proverbes de l'Antiquité, à les organiser et à les commenter. Et son idée, c'est que ses contemporains puissent en permanence puiser dans la culture des anciens. Et cette sagesse des anciens doit venir compléter leur foi. Parce que c'est là toute la complexité de la pensée erasmienne, c'est que la culture des anciens est une propédeutique, si vous voulez, à la foi chrétienne. Et on le voit très bien dans l'Inquiridion Militis Christiani, c'est-à-dire le manuel du soldat chrétien, qu'on peut traduire aussi comme le poignard du soldat chrétien, dans lequel Erasme encourage ses contemporains qui vivent dans le siècle à imiter le Christ, en s'aidant notamment de la sagesse des auteurs de l'Antiquité. Et c'est pour ça qu'il va s'employer à rendre le texte exact des auteurs de l'Antiquité. Donc il va faire des traductions d'auteurs grecs et il va nettoyer, comme il le dit, les auteurs latins, hein, comme par exemple Cicéron, pour que ses contemporains puissent avoir accès à la sagesse de ses auteurs. Et c'est vraiment la rencontre de la sagesse antique, effectivement, et du christianisme qui va être au cœur de cet humanisme européen qui est le sien. Oui, c'est ce qu'il va appeler aussi à partir de 1516 la philosophia Christi, c'est-à-dire la philosophie du Christ, qui est une expression qu'il trouve chez Origène dans la patristique grecque, parce que la grande idée d'Erasme qui vient de son expérience du couvent, c'est qu'on peut être le meilleur des soldats du Christ, des chrétiens, dans le siècle. Et pour y parvenir, il faut chaque jour lire les Écritures et lire les auteurs de l'Antiquité. Et cette conviction, d'ailleurs, il la partage avec Thomas More. Et par exemple, en 1506, More et Erasme vont traduire ensemble Lucien, hein, qui est un texte, ça peut paraître extrêmement étonnant. Les dialogues des morts. Oui, notamment. Mais parce que l'idée d'Erasme et de More, c'est que le rire participe à la piété. Et ça, c'est comme ça qu'on comprend l'éloge de la folie. Et ça, c'est très important. Voilà une belle transition. Je vous en sais gré, Marie Barral-Baron. J'avais justement le propos de vous faire parler maintenant de cette œuvre majeure qui a porté la gloire d'Erasme, dont nous parlons ce matin, plus que toutes ses autres œuvres, l'éloge de la folie. Je vais vous en faire entendre un extrait, puis après vous resituerez ce livre dans cet itinéraire. C'est une émission, excusez-moi du peu, une émission de Michel Foucault, L'usage de la folie, sur France Culture, le 5 janvier 1963, une lecture de Pierre Delbon. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Pardieu, quel théâtre est-ce là? Quelle agitation et quelle variété de fous! L'un se meurt pour une petite femme, et moins il est aimé, plus il se passionne. L'autre épouse non une femme, mais une dot. L'un prostitue sa femme, l'autre la surveille, jaloux comme Argus. Ah, que de folies se font ou se disent pour un deuil, où ce sont des comédiens payés qui représentent la douleur. Et voici quelqu'un qui pleure au tombeau de sa belle-mère. Un homme fera passer dans son ventre tout son gain, au risque d'être affamé bientôt. Un autre mettra son bonheur à dormir, et à ne rien faire. Des gens s'agitent sans relâche pour les affaires du voisin, et des leurs n'ont cure. Certains vivent d'emprunt, se croient riches avec l'argent d'autrui, et sont à deux pas de la déconfiture. Tout le bonheur de celui-ci est de vivre pauvre pour enrichir un héritier. Celui-là, pour un profit maigre et douteux, court à travers les mers, exposant au danger des flots et des vents une existence qu'aucun argent ne saurait lui rendre. Cet autre préfère chercher fortune à la guerre que se reposer en sécurité dans sa maison. Il en est qui courtise les vieillards sans enfants, pensant ainsi s'enrichir plus commodément. D'autres, bien entendu, font le même manège auprès des vieilles femmes fortunées. Tout cela prépare aux dieux un spectacle bien amusant pour le jour où les dupeurs sont dupés. Une race très folle et très sordide est celle des marchands, puisqu'ils exercent un métier fort bas et par des moyens fort déshonnêtes. Ils mentent, à qui mieux, se parjurent, volent, fraudent, trompent, et n'en prétendent pas moins à la considération grâce aux anneaux d'or qui encerclent leurs doigts. Ils ont au reste l'admiration des moinillons adulateurs qui les appellent en public « vénérables », probablement pour s'assurer leur part dans l'argent mal acquis. En somme, si vous pouviez regarder de la lune, comme autrefois Ménippe, les agitations innombrables de la terre, vous penseriez voir une foule de mouches ou de moucherons qui se battent entre eux, luttent, se tendent des pièges, se volent, jouent, gambadent, naissent, tombent et meurent. Texte très fameux, Marie Barral-Baron. Chacun, j'imagine, aura mis des noms contemporains sur certains des exemples que donne ici Erasme. Pleurer sur le tombeau de sa belle-mère. Nous avions fait naguère une émission sur les belles-mères. Malheureusement, j'ignorais à ce moment-là ce texte. Présentez-nous l'éloge de la folie qui est dédiée à Thomas More. On y revient toujours. Exactement. L'éloge de la folie, en latin, c'est moria. Et Moria, en fait, c'est un jeu de mots sur le nom de Thomas More, puisque Moria en grec signifie folie. Alors, cet ouvrage de l'Éloge de la folie, qui est effectivement le plus célèbre d'Érasme, illustre, je dirais, parfaitement le cosmopolitisme d'Érasme, puisqu'il a été conçu en revenant d'Italie. 1508. Exactement. Achevé en Angleterre, imprimé en France, et ensuite traduit dans toutes les langues européennes. Donc c'est une vraie œuvre européenne. C'est une vraie œuvre européenne, l'Éloge de la folie, qui a eu un succès extraordinaire, parce qu'effectivement, lorsque vous ouvrez ce texte, vous riez. Il y a, Érasme se moque finalement de tous ses contemporains, tout le monde y passe, les théologiens, les belles-mères, les vieilles femmes, les curés, enfin, les médecins. Je tenais beaucoup à ce qu'on marque ce côté joyeux d'Érasme, pour donner le goût d'y aller voir de plus près. Oui, il faut absolument lire ce texte, c'est un texte très très drôle. Érasme a énormément d'humour, on le voit dans l'Éloge comme dans les colloques, hein. Rabelais, elle a très bien compris, il est nourri absolument d'Érasme. Et dans ce texte, donc, on ne cesse de rire. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Qu'est-ce que c'est la folie, alors? Très profonde. Qu'est-ce que c'est la folie? La folie est partout. Hein. C'est Dame Folie, encore une fois. Érasme porte un masque, donc c'est Dame Folie qui monte sur des tréteaux et qui appelle absolument tous les contemporains, qui dénonce ses contemporains. Mais l'Éloge de la folie, c'est une réponse directe à l'Utopia. Ces deux textes paraissent la même année. Hein. De Thomas More. Et l'utopia, vous savez, ça signifie nulle part. Et comme la folie est partout, la sagesse est nulle part. Utopia, le lieu qui n'existe pas. C'est le lieu qui n'existe pas, exactement. D'où est tiré d'ailleurs Uchronie, par parenthèse, aujourd'hui, si à la mode, le temps qui n'a pas eu lieu. Et la démonstration d'Érasme dans ce texte, c'est de dire que la vraie sagesse est folie, hein, et que le christianisme est une folie. Et là, on ressent là tout le paulinisme d'Érasme, qu'il a d'ailleurs compris auprès de John Collet et de Jean Vitrier, cette idée du rire au pied de la croix dont a bien parlé Michael Screech. Pour avoir la foi en Dieu, il faut être heureux, il faut avoir le sens du rire. C'est cette joie qui permet de marcher dans les pas du Christ. Il pensait que le Christ avait le sens de l'humour? Ah oui, oui. Érasme pense que Dieu a un profond sens de l'humour. Son fils aussi. Oui, parce qu'il est très sensible à l'humanité du Christ, Érasme. Et dans tous ses textes, il répète que Dieu a beaucoup d'humour lorsqu'il regarde les hommes se battre, se quereller, se disputer. Et l'Éloge de la folie insiste beaucoup sur tout cela. Mais l'Éloge, encore une fois, est un texte très très drôle, est un acte d'accusation sur la société du XVIe et en même temps, véritablement une bouleversante confession de foi. C'est vraiment toute la foi d'Érasme qu'on a dans ce texte. Et qu'est-ce que ce livre a encore à nous dire aujourd'hui, européen, du début du XXIe siècle? C'est une dénonciation, je crois, de toutes les hypocrisies du monde, des puissants, des petits, et une invitation à la fraternité, une invitation à aller vers plus de vérité, d'universalité, toutes ces valeurs qui construisent la République des lettres, en fait. Hein. L'égalité, la liberté, la pluriconfessionnalité que défend Érasme. C'est quand même le premier, lorsque Luther va arriver, à dire qu'il faut construire des villes, vous savez, avec des quartiers protestants, des quartiers catholiques, pour que les hommes puissent vivre en paix et se supporter les uns les autres. Et c'est là qu'on en arrive à cet aspect fondamental de l'œuvre d'Érasme qui nous concerne très directement aujourd'hui, c'est-à-dire son pacifisme. Il y a chez lui un amour de la paix que nous avons vu déjà se manifester dans la première archive que je vous ai donnée à entendre et que vous allez retrouver maintenant dans un extrait de l'Institution du prince chrétien, qui est une œuvre de 1516. Mais cette fois, ce n'est plus vu du point de vue du combattant de base, mais du point de vue des princes dans leur folie guerrière. On rougit de rappeler pour quel motif honteux ou frivole les princes chrétiens font prendre les armes au peuple. L'un a prouvé ou simulé quelques droits surannés, comme s'il importait beaucoup que tel ou tel prince gouvernât l'État dès lors que les intérêts publics sont bien administrés. Un autre prend pour prétexte un point inexécuté dans un traité de 100 chapitres. Celui-ci a un ressentiment contre celui-là au sujet d'une fiancée refusée ou enlevée, ou de quelque raillerie trop libre. Et le comble de l'infamie, c'est qu'il y a des princes qui, sentant leur autorité faiblir par suite d'une paix trop longue et de l'union de leurs sujets, s'entendent en secret de façon diabolique avec les autres princes. Et lorsque le prétexte est trouvé, on provoque la guerre afin de tout diviser par la discorde de ceux qui vivaient étroitement unis et de dépouiller le malheureux peuple grâce à cette autorité sans frein que donne la guerre. Le prince ne doit jamais être plus prudent, plus circonspect que lorsqu'il s'agit de déclarer la guerre. Car les autres choses engendrent bien des maux, tel autre, mais la guerre cause d'un seul coup le naufrage de tout ce qui est bon et fait déborder la mer de tous les maux réunis. Ensuite, aucune calamité n'est plus tenace. De la guerre naît la guerre, d'une guerre sans gravité naît une guerre importante, d'une guerre simple naît une guerre double, d'une guerre enfantine naît une guerre sérieuse et sanglante. Une guerre née ailleurs se propage comme une peste dans les environs et même au loin. Un bon prince n'accepte jamais aucune guerre, excepté quand, après avoir tout tenté, il ne peut l'éviter par aucun moyen. Si nous étions dans ces dispositions-là, il n'y aurait pour ainsi dire jamais de guerre, nulle part. Enfin, si cette peste ne peut vraiment être évitée, que le prince s'attache du moins à la faire avec un minimum d'inconvénients pour les siens, en versant le moins possible du sang chrétien, et qu'il la termine le plus vite possible. Donc 1516, l'institution du prince chrétien d'Érasme, c'est une lecture de Jean Levray dans l'émission qui s'intitulait « Érasme, témoin de son siècle », le 9 décembre 1969, une émission de Jean-Claude Margolin sur France Culture. Margolin qui a été un grand érasmien, n'est-ce pas ? Un immense érasmien, vraiment. Il fallait citer son nom en passant. Ce texte est adressé au futur Charles Quint, Charles d'Espagne. C'est une œuvre de commande. On a demandé à Érasme d'écrire à Charles d'Espagne, donc en 1516, qui va devenir Charles Quint en 1519, de lui écrire ce qu'on appelle à l'époque un miroir du prince, c'est-à-dire un texte dans lequel le prince peut se regarder. Ce sont des ouvrages typiques hein, de l'époque. Et dans celui-ci, bien, Érasme va se faire un plaisir de dénoncer la guerre et de proposer à ce jeune Charles, qui a alors juste 16 ans, d'être un nouveau Jésus-Christ. En fait, pour lui, être le meilleur des princes chrétiens, c'est marcher dans les pas du Christ. Donc, bien sûr, refuser la guerre, et surtout la pire des guerres, qui est la guerre entre princes chrétiens. Or, il faut avoir en tête que Érasme va vivre l'arrivée de ces trois jeunes souverains européens. On va avoir Charles Quint en 1519, François Ier en 1515 et Henri VIII en 1509, qui ne vont jamais cesser de se faire la guerre. Donc il y a toujours cette idée de pédagogie chez Érasme, il est le précepteur pacifiste de la paix en Europe. Complètement, et dans ce texte c'est très visible, il s'emploie à expliquer à ce jeune Charles comment il doit conduire son pays, comment il doit s'occuper de ses sujets, et il l'encourage à avoir toujours une attitude pacifique. D'ailleurs c'est assez drôle, c'est que dans ce livre, il a toute une réflexion sur les ouvrages des historiens. Et il dit au jeune Charles, tu ne dois jamais lire des livres d'histoire tout seul. Je craignais le pire, vous entendez. C'est-à-dire qu'il pense que les livres d'histoire sont très dangereux pour les jeunes princes parce qu'ils donnent de très mauvais exemples aux jeunes souverains, notamment les modèles de Jules César ou d'Alexandre, qui sont catastrophiques. Donc, il lui interdit la lecture de ces textes pour ne pas abîmer son esprit avec ces modèles terribles de princes sanguinaires. Et au contraire, il faut lire les évangiles et lire son miroir. Les humanistes, par conséquent, et cette admonestation qui est aussi illustration passionnée de la paix dans notre Europe d'aujourd'hui, de 2018, nous la lisons peut-être avec des sentiments de proximité ou de sympathie. Nous éprouvons la même fragilité que lui. Complètement. Érasme, je pense que chaque jour, a cette réflexion sur la nécessité de la paix. Parce qu'Érasme a bien compris que son projet d'humaniste chrétien ne peut survivre qu'avec la paix. C'est-à-dire que les savants ne peuvent travailler sur les belles lettres, ne peuvent traduire, ne peuvent espérer que les hommes grandissent en sagesse qu'à la seule condition que la paix règne. Et à quelques jours de distance de la commémoration du 11 novembre 18, en un temps où nous avons connu en Europe, c'était très nouveau, 7 décennies ou à peu près de paix, ce texte résonne, en dehors évidemment des Balkans, mais qui sont extérieurs à l'Union européenne, ce texte résonne spécifiquement. Il y a eu si peu d'époques, peut-être pas du tout, où pendant si longtemps, l'Europe a été en paix. Érasme, là où il est, s'il est quelque part, doit être content. Oui, c'est sûr. Érasme a cette obsession que la paix puisse perdurer, alors que lui, il vit dans un siècle de fer. Content et inquiet, bien sûr. Content et inquiet parce qu'il sait que la paix est fragile. Aujourd'hui aussi. Aujourd'hui aussi, et qu'il faut tout le temps être aux aguets, se méfier de la tranquillité et toujours, toujours lutter pour que la guerre ne reprenne pas, c'est sûr. C'est une... Et puis, il y a les moments où il fait des concessions à la nécessité d'une guerre. Vous avez fait un article très intéressant sur Erasme et l'idée de la guerre juste, éternelle question qu'il n'a pas cessé de parcourir l'histoire du catholicisme. Y a-t-il une guerre juste? Évidemment, c'est le temps où les affrontements avec les Turcs s'exaspèrent. Et la coloration de l'ensemble, du coup, évolue quelque peu. La guerre juste, qu'est-ce qu'on peut en dire après avoir lu Erasme? Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que pour Erasme, la question de la guerre juste est une hérésie. C'est-à-dire que c'est un problème qu'il ne faut même pas évoquer. Pour lui, la guerre juste ne peut pas exister. Il a plaisir à répéter jusqu'au début des années 1530 qu'il préfère, je cite Erasme de mémoire, qu'il préfère la paix la plus injuste à la plus juste des guerres. Pourtant, il y a des textes de lui où il admet que... Je vous en prie. Exactement. Avec ce siècle de fer qui est le sien, il va devoir mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire que, à son grand désespoir, il va devoir accepter l'idée d'une guerre défensive, du fait des infidèles, du fait de la question turque. Il faut bien se rappeler qu'en 1520, Soliman le Magnifique arrive au pouvoir, qu'en 1521, il prend la ville de Belgrade, qu'en 1526, c'est la bataille de Mohac, qui va plonger l'Europe dans l'effroi, puisque le roi de Hongrie, Louis II, est massacré sur le champ de bataille, que les soldats hongrois vont s'enfoncer dans la boue de manière absolument terrifiante. Et juste après, en 1529, c'est un autre siège qui va commencer aux portes de l'Europe avec le siège de Vienne. Et les Européens sont complètement effrayés. Ils ont peur que les Turcs, bien sûr, avancent encore davantage dans le territoire européen. Et à ce moment-là, Erasme, bien entendu, va accepter l'idée de guerre juste en disant qu'il faut nécessairement combattre les Turcs. Avec la composante religieuse qui n'est pas aussi sans faire quelque écho aujourd'hui. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut aller combattre les infidèles. Pour Erasme, on ne peut pas permettre que l'Europe perde sa culture, perde son identité. C'est quelque chose de très important pour lui. Il faut convaincre les princes, il faut aussi convaincre... les futurs sujets, les enfants. Il y a tout un aspect de l'œuvre d'Erasme qui concerne la pédagogie. Je voudrais que vous en disiez un mot, Marie Barral-Baron. Oui, je crois que toute l'œuvre d'Erasme, en fait, est pédagogique. Il pense toujours à ce que tous ses textes sont des textes pédagogues, qui cherchent à être toujours très clairs. Il prend le lecteur par la main et il le conduit dans sa démonstration. Alors, Erasme, bien sûr, a publié quand même deux textes majeurs sur cette question de la pédagogie, le De Ratione Studii en 1513, qui signifie le plan des études, et le De Pueris de 1529, qui s'intéresse à l'enfance, de l'enfance. Lui qui n'a pas eu d'enfant, et il a un intérêt dans l'éducation des tout jeunes enfants. Pour lui, chaque enfant doit avoir une formation individuelle parce qu'il est sensible à ce qu'il appelle la varietas, c'est-à-dire la variété de chaque individu. Et là, on retrouve son enfance dont on a parlé tout à l'heure. Donc une formation individuelle. Pour Erasme, la meilleure éducation, c'est le précepteur à domicile. C'est évident. Une formation ensuite qui doit être progressive, graduée. Dans le De Pueris, il explique que à partir de l'âge de 3 ans, on doit donner à l'enfant chaque jour une bouchée de Suétone, une bouchée de Platon, une bouchée des Écritures, pour le conduire ainsi jusqu'à l'adolescence et pour former sa culture d'humaniste chrétien. Et pour faire par conséquent de cet enfant, parmi d'autres, un Européen. Bien sûr. Persuadé que la paix est un... C'est ainsi qu'on peut construire des citoyens, comme il les appelle, de la République des Lettres, qui sont convaincus de ce précieux bien qu'est la paix, bien entendu. Nous évoquions l'arrivée des haines religieuses qui vont dominer le XVIe siècle et les dernières années de la vie de notre Erasme dont nous parlons ce matin, puisqu'il est mort... en 1536, à 67 ans, et les guerres de religion ont commencé, en particulier avec l'apparition du luthéranisme. Et les liens avec Luther, les relations très vite conflictuelles avec Luther, sont au cœur également de cette histoire et résonnent aussi pour nous. Et comme toujours, le conflit se noue à diverses hauteurs, à hauteur de la réflexion théologique et à une hauteur individuelle, parfois presque caractérielle. Vous allez nous raconter tout ça, mais auparavant, je vais vous donner à entendre un extrait de l'essai sur le libre arbitre de 1524 d'Érasme. C'est une lecture de Pascal Mazetti dans une émission de Georges Charbonnier sur France Culture, bien sûr, le 28 octobre 1965. Ceux qui nient absolument l'existence du libre-arbitre et prétendent que tout se fait par pure nécessité déclarent que Dieu opère en tous les hommes non seulement les œuvres bonnes, mais les mauvaises. Il s'ensuit donc que si l'homme n'a aucun titre à être considéré comme l'auteur de ses bonnes œuvres, on ne peut pas non plus le regarder comme l'auteur des mauvaises. Cette conclusion, qui semble manifestement attribuer à Dieu injustice et cruauté pour le plus grand scandale des oreilles pies, car Dieu n'existerait pas s'il y avait en lui quelque chose de vicieux ou d'imparfait, trouve cependant des défenseurs qui soutiennent ainsi cette cause peu défendable. Puisqu'il s'agit de Dieu, ce qu'il fait ne peut être que très bon et très beau. Regardez l'ordre de l'univers, même ce qui est mauvais en soi, il manifeste sa valeur et fait briller la gloire de Dieu. Il n'appartient d'ailleurs à aucune créature de juger les desseins du Créateur, mais elle doit au contraire se soumettre entièrement à lui. Si elle voit donc Dieu condamner tel ou tel, elle ne doit pas murmurer, mais adhérer à ce jugement, et se persuader une bonne fois que tout ce qu'il fait est très bien, et ne peut être que très bien. D'ailleurs, pourrait-on supporter l'homme qui dirait à Dieu « Pourquoi ne m'as-tu pas créé ange ?» Est-ce que Dieu n'aurait pas raison de lui répondre « Imprudent, si je t'avais créé grenouille, de quoi pourrais-tu bien te plaindre ?» De même, si une grenouille réclamait auprès de Dieu « Pourquoi ne suis-je pas un paon au plumage bigarré ?» ne lui répondrait-il pas à bon droit « Ingrate, j'aurais pu te faire champignon ou oignon, tandis que tu sautes, tu bois et tu chantes. » Enfin, si le basilic ou la vipère disait « Pourquoi avez-vous fait de moi un animal que personne ne peut voir et qui tue tout le monde, quand j'aurais pu être brebis ?» Que répondrait Dieu ? Peut-être simplement « Parce que je l'ai trouvé bon et que cela convenait à la beauté et à l'harmonie de l'univers. Il n'y a pas plus d'injustice en ce qui te concerne que pour les mouches, les moustiques et les autres insectes dont l'organisation paraît une grande merveille à ceux qui les examinent. L'araignée a beau ne pas ressembler à l'éléphant, elle n'en a pas moins une esthétique propre et il y a bien plus de merveilles dans une araignée que dans un éléphant. Ne te suffit-il pas d'être en ton genre un animal accompli ? J'ajoute que le venin ne t'a pas été donné pour tuer, mais pour te défendre, toi et tes petits. Tu as reçu cette arme comme le bœuf a reçu ses cornes, le lion ses griffes, le loup ses dents, le cheval ses sabots. Chaque espèce animale a son utilité. Le cheval est une monture, le bœuf la bourre, l'âne et le chien sont de précieux auxiliaires, la brebis donne à l'homme nourriture et vêtements, et toi, tu sers en pharmacie. Eh bien voilà, Marie Barral-Baron, voilà un texte à la fois pittoresque et profond. C'est d'ailleurs à cette rencontre qu'on peut situer souvent notre Érasme dont nous parlons ce matin. Jetez donc quelques éclairages, si vous le voulez bien, sur cette archive que je viens de vous proposer. Oui, alors peut-être quelques mots d'abord sur cette rencontre entre Érasme et Luther, ces deux géants du XVIe siècle. Je dirais que c'est une histoire qui est en fait une histoire tragique, Érasme et Luther, parce que ce sont deux hommes qui avaient tout pour se comprendre, finalement une religiosité qui se ressemble beaucoup et finalement qui vont découvrir qu'ils n'ont plus rien à partager assez rapidement. Une méfiance à l'égard des dérives d'une église catholique très marquée par la prévarication, les excès, les indulgences. Exactement. Et Érasme et Luther partagent la même critique acerbe hein, sur les dérives de la papauté, le trafic des indulgences. Ils sont entièrement d'accord sur ces sujets. Et d'ailleurs, Luther, c'est lui qui va commencer à entrer en contact avec Érasme. Respectueusement au début. Très respectueusement, même si je pense que c'est assez hypocrite, parce qu'il a lu le Novum Instrumentum qu'Érasme a publié en 1516. Hypocrite, j'allais nous brouiller avec tous nos auditeurs et auditrices luthériennes. Oui, mais parce que sa première lettre à Érasme, qui est effectivement très respectueuse, c'est quand même pour lui dire qu'il s'est trompé dans ses annotationes au Novum Instrumentum. Il souligne les erreurs d'Érasme. Et d'ailleurs, Érasme va très mal le prendre et il ne va pas lui répondre, ou il mettra 2 mois avant de lui adresser une courte épître pour répondre à ses critiques. Donc, il y a immédiatement une tension, parce que je crois qu'en fait, le conflit sur la question du libre-arbitre qu'on vient d'entendre, qui a lieu entre 1524 et 1525, c'est un conflit qui, en réalité, est originel entre Érasme et Luther. C'est qu'Érasme a comme auteur de prédilection Saint Jérôme, Origène, qui sont des auteurs patristiques qui apprécient les auteurs païens et qui insistent sur l'humanité du Christ. Alors que Luther, lui, abhorre Saint Jérôme, abhorre Origène et met toute sa confiance et sa foi dans saint Augustin. Et Luther insiste, lui, sur la transcendance de Dieu et sur la misère de l'homme. Et en fait, cela existe dès 1516. Et ça explose en 1524 dans ce débat sur la grâce, sur la question du salut. Où Erasme, dans le texte que nous venons d'entendre, est en train d'affirmer que l'homme peut participer à son salut. Là, il y a vraiment une opposition fondamentale. Majeure. Puisque pour Erasme, donc l'homme est actif, hein, l'homme n'est pas une fange de boue, comme le dit Luther. Erasme refuse complètement cette vision qui est en train de détruire le rêve humaniste. Parce que tout ce que nous avons dit jusqu'à présent, cela suppose que l'homme est perfectible. Et que nous rencontrions la piété, les belles lettres et la pensée libre. Exactement. Luther, avec cette vision d'un homme qui est impuissant, qui est dans le serf-arbitre, c'est-à-dire qui ne peut absolument rien faire pour son salut et qui doit attendre la grâce de Dieu, il tue, si vous voulez, le rêve humaniste érasmien. Et en quoi alors les évocations zoologiques éclairent-elles votre propos dans le texte que nous venons d'entendre ? Je dirais que surtout chez Erasme, il y a une satisfaction de l'œuvre de Dieu. Il y a une joie, il y a ce rire dont on parle, c'est-à-dire que la création divine est agréable à l'homme et qu'il y a une justification pour tout ce qui existe. Et il dénonce là chez Luther, au contraire, une vision extrêmement obscure. Enfin, lui, ce qu'il lit comme extrêmement obscure. Sombre. Sombre. Et qu'il refuse, parce que cette obscurité, encore une fois, est en train d'empêcher la renaissance des temps apostoliques qu'il défend depuis toujours. Est-ce qu'on pourrait dire que l'ombre de l'intolérance qu'incarne Luther est en train aussi de s'étendre dans notre temps sur un certain nombre de pays et risque d'arriver jusqu'en Europe ? Je ne veux pas forcer le trait, mais les échos sont forts, non ? Oui, bien sûr, les échos sont forts. C'est pour ça qu'Erasme, au XVIe siècle, se bat toujours hein, et qu'il dit à Luther de se calmer, hein, de ne pas être violent, de ne pas être dans l'intolérance. C'est aussi pour ça que vous êtes devant moi ce matin, évidemment. C'est bien sûr, mais d'être toujours dans l'accueil, dans l'écoute de l'autre. Et c'est effectivement un propos qui est encore aujourd'hui extrêmement actuel. Alors, je vais vous donner à entendre un dernier texte d'Erasme. Il fallait absolument que sa voix soit présente dans cette émission ce matin. C'est un texte de septembre 1924. À propos de ses censeurs, ce qui conduit à un thème ultime, c'est-à-dire la question de la liberté d'expression dans notre Europe, peut-être par comparaison avec un certain nombre d'autres territoires de notre planète. C'est un texte lu par Jean Levray sur France Culture le 12 décembre 1969, un extrait de l'émission « Erasme, témoin de son siècle », toujours par Jean-Claude Margolin. Aussi longtemps que ce petit livre n'a contenu que des enfantillages, il a rencontré une faveur étonnante. Lorsque j'y ai ajouté des choses utiles, il n'a pu éviter les morsures des calomniateurs. Un théologien de Louvain, myope des yeux et davantage de l'esprit, y a découvert 4 passages hérétiques. Voici qu'il arrive à l'ouvrage, une autre aventure bien curieuse. Il vient d'être imprimé à Paris, corrigé, c'est-à-dire gâté en plusieurs endroits qui concernent les moines, les vœux, les pèlerinages, les indulgences. C'est fait si bêtement, avec tant d'ignorance, que l'auteur a l'air d'être un bouffon de carrefour. Il flagorne la France, Paris, les théologiens, la Sorbonne, les collèges en termes tellement abjects qu'un mendiant ne ferait pas mieux. Ainsi, là où j'ai quelque peu critiqué les Français, il remplace leur nom par celui des Anglais. Et si j'ai dit quelque chose contre Paris, il écrit « Londres ». Il me prête des paroles déplaisantes afin de me rendre odieuses les personnes qu'il souffre de me voir attachées. Il retranche, ajoute, modifie et agit comme un cochon qui se roule dans la fange avant d'aller batifoler dans le jardin du voisin, souillant et renversant tout. Et cela s'imprime dans Paris, où il est dangereux d'imprimer même l'Évangile sans l'approbation des théologiens. J'ai choisi ce morceau, Marie Barral-Baron, parce que il me paraît permettre d'évoquer d'autres rebonds, en somme, sur la circulation des idées, sur leur libre circulation et sur les éventuels excès de l'usage de ces idées par des personnages qui sont comme des cochons, c'est ça ? Des cochons qui se roulent dans la fange. Oui, ce texte est très beau parce qu'il montre une facette qui est souvent méconnue d'Erasme, à savoir cet Erasme à la fin de sa vie, enfin on est au cœur encore des années 1520, mais qui vit un moment d'isolement, un moment de solitude, moi c'est ce que j'ai appelé cette descente aux enfers, parce que lui qui rêvait de cette république des lettres, de fraternité, d'universalité, découvre en fait que l'imprimerie, qui devait être un élément qui permet d'unir les hommes, en fait, l'imprimerie est en train de permettre, avec la diffusion des idées luthériennes, avec la diffusion des textes anonymes, comme il l'explique bien, c'est-à-dire qu'on tronque ces textes, qu'on les modifie, c'est pas ce qu'il a voulu dire. En plus, les imprimeurs sont anonymes. L'imprimerie est en train, en fait, de devenir un instrument du diable et de ruiner son rêve humaniste. Là, évidemment, puisqu'il y a eu deux grandes révolution, celle de l'imprimerie et celle d'Internet, on ne peut pas ne pas évoquer l'ambivalence formidable des nouvelles technologies. En vous écoutant, c'est... Exactement, je pense qu'on a la même ambiguïté entre une révolution avec Internet qui est extraordinaire en possibilité et également en danger. Et on a exactement la même chose avec l'imprimerie. On verra la papauté, François Ier, enfin tous les souverains essayer de tenter de maîtriser ce danger que représente la libre circulation des idées. Aussi pour la paix. Pour conclure, on peut peut-être dire qu'on ne s'étonne pas de l'écho qu'Érasme a retrouvé, en particulier dans l'entre-deux-guerres, d'une guerre à l'autre. Je pense au très beau livre de Stefan Zweig, l'homme que l'Europe a nourri et qui est mort du chagrin qu'elle ait disparu, une certaine Europe. Il a fait une biographie que vous signalez comme importante. Oui, Stefan Zweig a fait une magnifique biographie en 1933, si je ne me trompe. Érasme, grandeur et décadence d'une idée, où précisément il défend avec vraiment virulence la beauté du message érasmien, son pacifisme, son refus de la guerre. Mais bien sûr, Stefan Zweig parle beaucoup de lui à travers Érasme. C'est sa propre souffrance. Et d'ailleurs, il y a un livre de Zweig, vous savez, qui s'appelle Le Monde d'hier. Et c'est assez amusant parce que Érasme lui-même, à la fin de sa correspondance, il a une formule qui fait écho à celle de Zweig où il dit, il regarde l'Europe des années 30 et il dit, où que je regarde, je vois un autre théâtre, mieux même un autre monde. Et c'est un monde qui a basculé, qui est plus le sien, c'est un monde de la violence, de la guerre, on va arriver aux guerres de religion, de l'oubli de toutes les valeurs humanistes européennes. Oui, nous avions fait une émission sur Stefan Zweig, qui est très cher à Jeanne Guérou, et qui effectivement annonçait cette comparaison que vous évoquez. Hélas, il faut s'en tenir là, en incitant nos auditrices et nos auditeurs à aller voir les choses de plus près, à vérifier. Je crois que vous nous y avez beaucoup aidé, Marie Barral-Baron, à voir à quel point cet homme est vivant. Oui. Il est extrêmement vivant, il y a ses œuvres, lisez L'éloge de la folie, lisez aussi les colloques qui sont oubliés et qui sont des textes extrêmement drôles, extrêmement dynamiques. Regardez aussi les adages. Bref, Érasme a énormément écrit, plus que Voltaire, plus que Victor Hugo, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Votre livre majeur, et nous avons mieux compris le titre maintenant, s'appelle « L'enfer d'Érasme, l'humaniste chrétien face à l'histoire », paru chez Droz récemment en 2014. Oui. Vous allez en faire un livre de poche ? Peut-être, effectivement. C'est une démonstration, enfin je raconte la vie d'Érasme à la lumière de cette souffrance qu'il va vivre dans son époque et qui est une longue descente en enfer. Le chagrin ultime. Le chagrin ultime, exactement. Il vient de paraître tout récemment une réédition de L'éloge de la folie d'Érasme, très moderne, aux belles lettres en 2018, le traducteur en étant Jean-Christophe Saladin. Et puis j'ai cité... Chemin faisant, Léon Alquin, c'est un grand historien belge qui a publié ce qui demeure, me semble-t-il, c'est votre avis, la principale, à l'heure qu'il est, biographie d'Érasme, parue chez Fayard en 1987. Exactement, oui, c'est la plus accessible. Vous avez tous les travaux de Jean-Claude Margolin, d'André Gonin, qui sont absolument passionnants, mais qui sont peut-être plus complexes. Cette biographie est très simple d'accès. Vous trouverez naturellement d'autres titres et votre article en particulier sur la guerre juste sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez, vous le savez désormais, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Je dis balado diffusé pour nos auditeurs québécois qui sont innombrables. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Alexandra Malka, avec notre cher Emmanuel Morse-Duncan à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Sabine Dahuron. Vous venez d'entendre en rediffusion une émission consacrée à Érasme, Érasme l'Européen, avec Marie Barral-Baron. Une émission diffusée pour la première fois le 17 novembre 2018. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une émission en rediffusion consacrée à Reims. Reims, une cathédrale et tant de mémoires, avec Thomas Guedgens.